Chapitre 38e, le goût du poison. La belle Flore regarda vivement Fungati pour lui demander si, en disant cela, il ne se moquait pas d'elle. Mais Fungati parlait sérieusement. Il ajouta « Flore, tu peux être certaine que tu seras bien vengée, car même au plus fort de ta haine, dans le plus violent éclat de ta colère, tu n'aurais pas osé souhaiter à ton ennemi une mort aussi douloureuse, aussi longue à venir, aussi cruellement implacable. Elle souffrira beaucoup. » « Ils souffriront beaucoup, » dit Fungati en insistant. « Pourquoi ils ?»« Parce que, avec Miss Eden, que je frapperai pour toi, il y aura Paulin Broquet, son amant. »« Paulin Broquet, que je dois frapper pour moi, pour nous tous. » Il ajouta. « Écoute-moi, Flore bien-aimée. Tu veux, n'est-ce pas, assouvir ta vengeance. Ne pas seulement apprendre que ton ennemi n'est plus, mais aussi, mais surtout, voir ses souffrances, assister à son agonie. Oh oui ! Bien, je peux te donner cette joie. » Comment ? Vendredi matin, j'aurai l'honneur d'avoir à déjeuner le plus grand détective du monde et la plus belle femme de l'univers. Ici, oui, ici, chez moi, je leur fais un macaroni d'honneur, depuis longtemps promis, depuis longtemps accepté, et toujours remis, un macaroni royal. Nous fêtons la guérison de mon bras blessé. Et c'est à ce déjeuner que... Je ne t'en dis pas plus long. Tu verras le reste. Nous nous mettrons à table à midi. Eh bien... Tiens-toi dans ta voiture, aux environs de ma maison. Tu verras sortir après le déjeuner Paulin Broquet et Miss Eden ensemble, ou l'un après l'autre. Alors, tu suivras Miss Eden, où qu'elle aille, suis-la sans la perdre de vue, mais sans te laisser découvrir. Bien entendu, ne t'impatiente pas. Ne perds pas espoir, dis-toi. Cette femme, si belle, si rayonnante en ce moment, porte la mort dans son corps admirable, la mort atroce, implacable, contre laquelle aucune science humaine ne peut lutter. Suis-la bien. Si elle entre dans une maison, un magasin, attends. Si elle va au cirque, attends. Si elle passe dans un square pour voir jouer les enfants, comme cela lui arrive souvent, ne la perds pas de vue. Cette poursuite durera longtemps ? Non. Vers 4 heures, Miss Eden, tu m'entends ? Sera pour tout le monde un sujet d'effroi, d'épouvante, d'horreur. Tu me le promets, tu me le jures, sur mon amour pour toi. Bien, mon cher James. Alors, vendredi soir, attends-moi. Ta maison sera pleine de bonheur. Elle se leva. Se dégagea des bras de son adorateur, se dirigeant vers la porte, elle ajouta « Vendredi, vers 1 heure, je viendrai dans une voiture m'embusquer dans le voisinage de ta maison, et quand Miss Eden en sortira, je m'attacherai à ses pas comme son ombre maudite. » Alors, écartant doucement le pansement qui couvrait sa figure, elle dégagea sa bouche et tendit à Fungati ses lèvres. Après ce baiser, qui était comme le sceau d'un pacte infâme, comme des arts sur le bonheur promis, Fungati restait froidement résolu à tous les crimes. Le jour où le destin méchant avait mis cette femme sur la route de Fungati, ce malheureux fut un homme perdu. Il devint son jouet, sa chose, une locumène entre ses mains. Pour elle, pour la conserver, il abandonna tout, famille, situation. Pour elle, pour subvenir à ses besoins d'argent, pour qu'un autre, offrant davantage, ne la lui enlevât point, il se plia à toutes les combinaisons, à toutes les aventures. Le jeu ne suffisant pas, il en arriva au vol. Intelligent, hardi, fort, il fit partie de plusieurs bandes. Ce fut un malfaiteur redoutable qui parcourut le monde, accomplissant des méfaits et demeurant insaisissable. Car qui pouvait imaginer que ce Fungati, ce clown amusant, cette joie des enfants, était un voleur, un assassin? Il eût fallu le prendre sur le fait. La chance ne favorisa jamais sur ce point la justice. Paulin Broquet, cependant, était parvenu, lui, à acquérir la certitude que Fungati avait contribué au vol des bijoux de Rosa de la Huerte et de Miss Eden. Il avait cette conviction que pendant que ses associés, ses complices, déguisés en pompiers, montaient dans les loges des artistes, c'était lui, Fungati, qui avait éteint les ampoules électriques éclairant le couloir où veillait cette brave maman frisette. Rien de plus facile en effet pour Fungati, qui était de la maison, allait, venait partout, que de s'approcher du tableau et de toucher aux manettes. Qui pouvait soupçonner le clown ou même prêter attention à son geste. Mais si Paulin Broquet était certain de cela, il ne pouvait en aucune façon en fournir la preuve. À vrai dire, les soupçons du détective ne commencèrent vraiment à s'affirmer qu'en voyant cette insistance que mettait Fungati à vouloir, par l'intermédiaire de Simon, la voir à déjeuner. Paulin Broquet se méfiait du macaroni. Puis, après la blessure bizarre du clown et les constatations faites chez Miss Eden, ayant maintenant un commencement de preuve, de pièce à conviction, il pensa qu'il pouvait agir avec chance de succès et préparer à son tour ce grand coup, certes inattendu, l'arrestation de Fungetti. Aussi, il sauta sur ce prétexte de guérison du bras, sur cette célébration de rentrée du clown, pour accepter enfin de goûter au merveilleux plat du champion du macaroni. Fungetti fit donc sa rentrée au cirque le jeudi, jour de congé des écoles. Cet event sensationnel, annoncement habilé par Eugenio, amena une foule énorme au cirque. La salle fut bondée en matinée, en soirée. Fungetti fut, on le pense, fêté, acclamé. Paulin Broken ne manqua pas de lui apporter ses félicitations, et Miss Eden le complimenta chaleureusement. On se donna joyeusement rendez-vous pour le lendemain. « Ce soir, dit le clown, ce n'est qu'un succès. Demain, mon macaroni sera un triomphe. » Miss Eden passa au cirque prendre, comme elle le lui avait promis, Eugenio. Paulin Broquet avait eu la même idée. Tous trois se trouvaient réunis dans le bureau du régisseur, d'où ils partirent. Et dans la voiture de la plus belle des femmes de l'univers, ils arrivèrent chez Fungetti, où ils furent rejoints par Simon, le brave marchand de papier peint, vieil ami du clown cuisinier. Miss Eden, pour fêter son camarade, apporta une brassée de fleurs rares et précieuses qu'elle avait elle-même cueillie dans ses serres. Fungetti, très touché, ne savait comment remercier Miss Eden de son intention. Il en avait les larmes aux yeux, tant cette pensée lui allait au cœur. Enfin, on s'assit. La table était élégamment disposée, couverte de fleurs. Le service était en argent, de jolies formes. La verrerie venait de Venise, et présentait un caractère des plus artistiques. « Vous m'excuserez, cher ami, » dit Fungetti à Miss Eden, « si dans le service quelque chose cloche un peu, vous savez, chez les vieux garçons. » Fungetti avait couru tout Paris pour y dénicher même ce qu'on croit n'y pas trouver en fait de mets exotiques et qu'il savait devoir plaire à Miss Eden, lui rappeler un voyage, un séjour en quelque pays lointain. « Quelle délicatesse de pensée, » disait Miss Eden. La plus belle des femmes se régalait vraiment. Elle donnait gracieusement à Paulin Broquet des explications sur chacun de ses mets qu'il ne connaissait probablement pas et des détails sur leur pays d'origine. Mais tout cela n'était que hors d'œuvre. Le tour du macaroni arriva enfin. Dans un grand plat d'argent, le domestique qui servait le déposa solennellement sur la table après l'avoir présenté à Miss Eden. Le macaroni était d'un aspect des plus appétissants. Il emplit la salle de son arôme de parmesan, de tomates de Sicile, de jambon de Milan, de champignons secs de Turin. Ce devait être un régal. On complimenta Fungetti. « Oui, je crois que je l'ai réussi. Il est aussi bon, peut-être meilleur, que celui du roi d'Italie que j'ai préparé à la cour. » Miss Eden, Paulin Broquet, Eugenio et le brave Simon, très franchement, goûtèrent à ce plat merveilleux. Ils s'en régalèrent en vrai gourmand. « Vous êtes vraiment, déclara Miss Eden, le champion du macaroni. » Fungetti se montrait heureux, enchanté. Il insista quelque peu et ses convives reprirent du macaroni royal. Fungetti, tout à ses hôtes, n'en mangea pas autant. Paulin Broquet, tout en savourant ce qu'il avait sur son assiette, tout en approchant de sa bouche sa fourchette chargée, regardait, examinait, étudiait ce macaroni. En le mâchant, il cherchait à découvrir une saveur qui ne fût pas celle du macaroni ou des condiments l'accompagnant. Car il savait, il était persuadé, que ce macaroni renfermait pour lui, pour Miss Eden, et par contre-coup pour les autres convives, Eugenio et Simon, ce qui devait causer la mort. Mais les bons yeux de Paulin Broquet ne distinguaient rien, et son nez, au sens olfactif très sensible, ne lui révéla rien, et son palais ne perçut aucune saveur douteuse.